Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va finir l'émission avec deux sujets complètement différents. Un qui porte sur la recherche sur le VIH et l'autre sur la construction de tours en bois de plus de 10 étages à travers le monde. Alors on commence par le VIH avec François. François, des chercheurs français travaillent actuellement sur une manière de guérir le VIH. Alors non pas en éliminant l'ADN du virus du porteur, mais en l'intégrant carrément à ses gènes. Comment ça marche? Oui, alors il y a des chercheurs qui auraient fait un lien entre un mécanisme observé chez les koalas pour devenir résistant à un virus appartenant, en fait, qui a infecté le gibbon, et le cas de deux patients porteurs du VIH depuis très longtemps. Alors ces patients n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais eu de virus détectable dans le sang, et par conséquent, ils n'ont jamais eu à être traités non plus. Alors, Didier Raoult, professeur de la faculté de médecine à Marseille, pense que cette observation représente une piste pour la guérison de cette maladie. Un autre professeur, Yves Lévy, de l'INSERM à Créteil en France, pense qu'il s'agit d'une première démonstration avec le VIH d'un phénomène que la nature a appris à faire avec d'autres virus au cours de l'évolution. Il est co-auteur d'une étude dont les résultats sont détaillés dans le journal spécialisé Clinical Microbiology and Infection. Alors, il faut que tu nous éclaires un petit peu de quel mécanisme on parle ici et qui aurait donc été observé chez les animaux et ensuite donc chez ces deux porteurs du VIH. Alors, il s'agit d'un phénomène d'intégration ou, si vous voulez, d'endogénisation d'un virus dans l'ADN du porteur, ce qui le rend résistant à la maladie, et cette résistance est transmissible à sa descendance. Mm-hmm. Donc, comment les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion? Alors, ils ont analysé le génome de ces porteurs et ont retrouvé le génome du virus qui était intégré dans celui des porteurs. Les chercheurs ont également démontré que le génome du virus était inactivé par un système d'interruption d'information qui est transportée par le gène du virus. Alors, ces interruptions seraient dues à une enzyme connue qu'on appelle l'ApoBec, qui fait partie de l'arsenal dont qu'ont les humains, pour lutter contre le VIH, mais qui est habituellement inactivée par une protéine du VIH. Donc, par ce mécanisme, le virus est devenu incapable de se reproduire tout en restant présent dans l'ADN des porteurs. Alors, c'est ça, l'endogénisation, la résistance à la maladie par l'intégration du virus dans l'ADN du porteur. Mm-hmm. D'accord. Donc, est-ce que que l'endogénisation du virus pourrait constituer une piste vraiment sérieuse pour guérir la maladie? Donc, ça veut dire éradiquer entièrement le virus d'un porteur? Ben, selon les chercheurs, cette recherche ouvre des perspectives de guérison en utilisant ou en stimulant l'enzyme ApoBec chez les porteurs. Mm-hmm. Et aussi des perspectives de guérir spontanément, de guérir la maladie spontanément chez les porteurs nouvellement infectés. De plus, des travaux de recherche pourraient conduire à revoir la définition même de guérison de cette maladie. Ah ben oui. Oui, parce qu'en fait, cette définition-là repose actuellement uniquement sur l'éradication du virus dans l'organisme des porteurs. Mm-hmm. Mais est-ce que, pour en venir à ces deux porteurs du virus, est-ce que les deux porteurs du virus auraient pu avoir des facteurs de résistance au VIH déjà connus, donc qui auraient empêché le virus d'infecter les cellules? Ben, c'est une bonne question. Le premier porteur, un homme de 57 ans, diagnostiqué en 1985, semblerait immunisé contre une nouvelle infection. Le second porteur, un Chilien de 23 ans, donc beaucoup plus jeune, diagnostiqué en 2011, mais probablement infecté 3 ans auparavant. En fait, tous deux en avaient aucun facteur de résistance connu à la maladie. Alors, comment on peut expliquer le développement de cette résistance à cette maladie? Les travaux de recherche reposent sur l'hypothèse que le VIH, qui est un rétrovirus capable de s'intégrer dans l'ADN humain, peut avoir le même destin qui est documenté que certains des centaines de rétrovirus qui se sont déjà intégrés dans les ADN des mammifères. Oui, alors, c'est vrai. C'est un phénomène qui est très, très connu, et ça, c'est même déjà arrivé aussi chez l'homme, par exemple. Alors, cette hypothèse provient aussi, comme je le disais au début, d'une observation faite chez les koala qu'un virus du singe ne rend plus malade après l'intégration et la neutralisation du virus dans leur génome. Oui, c'est intriguant. Hein? C'est intriguant. Oui, oui. Je pense qu'on essaie justement présentement de comprendre un peu ce phénomène-là. Ouais, là. Et si on pouvait l'induire effectivement chez les, chez les porteurs, ben, ça serait fantastique. Ouais. Alors, on poursuit avec la construction de tours en bois de 10 étages et plus. Valérie. Oui, alors on se rappelle peut-être de la construction de la tour Burj Khalifa à Dubaï, donc une tour de 828 mètres. Elle a détrôné la tour de Taipei à Taïwan, qui ne faisait que 508 mètres de haut, et qui elle-même détrônait la Willis Tower à New York de 500 mètres et quelques également. Alors ces tours-là, là, ces gigantesques tours de 500 et 800 mètres, ne sont évidemment pas en bois, mais il y a eu une certaine compétition pour construire la tour la plus haute du monde. Et disons qu'avec la Burj Khalifa et ses 828 mètres, cette côte-là sera dure à battre. Mais il y a maintenant une course similaire pour construire la plus haute tour en bois. Alors, on ne parle pas des mêmes hauteurs faramineuses, mais quand même. Vous vous souvenez peut-être de l'annonce d'un immeuble de 10 étages en bois, la Pointe-aux-Lièvres à Québec, il y a environ un an. Et ça avait été annoncé comme une première mondiale par le maire Labeaume, parce qu'avec ces 10 étages, cet immeuble détrônerait la plus haute tour en bois du moment, qui est un édifice de 9 étages à Londres. Mais cette première mondiale n'en sera pas une, parce que le record de Londres est déjà battu et que d'autres projets fleurissent à travers le monde pour aller encore plus haut. Et qui a battu le record de Londres, Valérie? Alors tout d'abord, avant de battre le record de Londres, il faut souligner aussi une tour de 9 étages en bois, donc qui à Milan, en Italie. Et le record actuel, il est à Melbourne, en Australie, avec une tour de 10 étages. Donc si Québec veut battre le record du monde, ben, il faudra un immeuble au moins de 11 étages. Oui, alors en fait, il faudra même aller plus haut que ça, parce qu'en Norvège, en ce moment, il y a une tour de 14 étages qui est en construction. Alors qu'à Québec, c'est encore en projet, c'est sur ces planches à dessin. Donc, une tour de 14 étages en bois en construction en Norvège. Donc, il y a d'autres projets en cours au Canada. Le CRSNG, donc, qui est le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, a en effet lancé un appel à projets pour construire des immeubles en bois de grande hauteur. Donc, quand on dit de grande hauteur en bois, c'est de 10 étages et plus. Alors, c'est pas que le CRSNG se transforme d'un seul coup en promoteur, mais à travers ses projets, bah, l'objectif, c'est de faire avancer les connaissances sur les matériaux en bois, la façon de les assembler pour que ces immeubles résistent aux séismes, aux incendies, puis même à leur propre poids, pour pas que le bâtiment s'écroule sur lui-même, et puis même au vent. Alors, de ces trois projets, trois ont été retenus, dont celui de Pointe-aux-Lièvres à Québec, qui devrait finalement faire 13 étages, mais on est en dessous du 14 étages de la Norvège. Il y en a un autre à Ottawa de 14 étages et un autre à Vancouver qui devrait faire entre 14 et 18 étages. Alors, mettons, comme c'est encore en conception, peut-être que celui-ci dépassera la Norvégienne. Mais on ne sait pas ce qui est en ce moment en cours ailleurs dans les autres pays non plus. Il y a peut-être des projets sur les planches à dessin. Mais on voit que le nombre d'étages augmente de plus en plus. Mais tu parlais de résistance au séisme et au feu. On peut faire des immeubles en bois qui restent debout quand la terre tremble et qui ne brûlent pas? Eh bien, pour les séismes, en fait, le béton et le bois, c'est un peu comme le chêne et le roseau. Le béton est un matériau très rigide qui va résister jusqu'à une certaine force, et passé cette force, eh bien, il s'écroule. Alors que le bois, un bâtiment en bois, c'est flexible. Alors, pas forcément par le bois lui-même, mais par tous les connecteurs qu'il faut qu'on a une poutre est fixée à une autre poutre par plein de connecteurs, et c'est ces connecteurs qui donnent une flexibilité au bâtiment et qui finalement lui permettent de se déformer et d'encaisser le choc. Et les Japonais sont très intéressés aussi parce qu'ils sont soumis, c'est ça exactement. Donc eux, ils ont un laboratoire pour faire des essais de résistance au séisme. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent carrément un immeuble. Donc par exemple, ils ont construit un immeuble de 7 étages sur une table vibrante, carrément. Donc un immeuble de 7 étages en bois sur une table vibrante qui simule un tremblement de terre. Ils ont fait subir à l'immeuble une vingtaine de secousses et chacune était équivalente à un tremblement de terre de 7,5. Ben c'est bien ça. Et l'immeuble est resté debout. C'est d'autant plus intéressant que le bois est une ressource en fait très importante ici au Québec. Là. Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ils ont fait la démonstration qu'un immeuble peut résister à un tremblement de terre de 7,5 effectivement. De Richter. Donc, il y a des Italiens aussi qui participent à ces recherches et le Canada aussi. Mais concernant le feu, qu'en est-il? Oui, alors concernant le feu, ben, c'est vrai que des 2x4, ça brûle vite, hein, comme des allumettes. Mais quand on parle d'immeubles en bois de 10 étages et plus, on parle de construction en bois massif. Alors, non pas avec des troncs d'arbres, mais avec du bois d'ingénierie. Donc, on reconstitue des poutres de gros calibre, ou alors carrément des dalles de bois qui sont aussi volumineuses que des dalles de béton. Uh-huh. Donc, le bois, ça carbonise en surface. Et la couche carbonée protège le cœur. Puis d'ailleurs, on peut avoir des images de feux de forêt. Et après, un feu de forêt, ce qu'on voit, c'est qu'il reste des arbres calcinés debout. C'est fait, hein? Ouais. C'est vrai que c'est rare que l'arbre ait brûlé jusqu'à la racine. Voilà, c'est ça. Donc, la couche calcinée extérieure a protégé le cœur de l'arbre. Puis d'ailleurs, les séquoias ont résisté tout à fait. Des milliers, 2000 ans, 3000 ans, à plusieurs incendies. Parce de qu'il forêt, y a que le tour, c'est ça. Il n'y a que le tour qui brûle. Donc, en fait, le bois brûle à la vitesse de 4 cm à l'heure. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des éléments en bois assez épais pour assurer qu'il reste debout 2 heures, le temps d'évacuer les gens et de permettre aux services de sécurité d'incendie d'intervenir. Ensuite, si on construit en bois, il faut couvrir le bois de gypse pour contenir le feu. De toute façon, c'est valable pour n'importe quel bâtiment, que ce soit en bois ou en béton. Et à ce moment-là, donc, on compte à ce moment-là sur la résistance intrinsèque du bois au feu et le gypse qu'on met en plus par-dessus pour empêcher, pour contenir le feu là où il est et éviter que le feu se répande ailleurs également. Donc oui, c'est possible de construire un bâtiment en bois qui ne brûlera pas plus qu'un autre. Bon, alors tant mieux pour nous et espérons qu'il va y en avoir de plus en plus à Québec et au Québec. On va suivre ça. Oui, merci beaucoup Valérie. On passe au mot de la fin. Oui, absolument.